c'était un mauvais rêve. Que la tête continue tout nez, parce que ça pas passé la main. On cherchait l'amour pour ne pas plaire du tout. On soleil qu'a clairé la terre, Dieu qu'a clairé moi. Pour côté Jaca, bouillé, si crier Jaca, chanter. On t'y va caresser toi, c'est l'amour. From the west and all she talk about is Zuki style. So when we come down with this new rhythm, it's something new and really sweet. Respect for Jessica. I'm just a shit on.